Est-ce que tu peux te souvenir des secondes qui passent? Est-ce que tu peux jeter les choses qui tracassent? Si tu peux, si tu peux, est-ce que tu es humain? Il faut que tu te poses la question, parce que c'est pas malin malin. Tu te sens si con, mon vieux, dans ton coin. Crois-moi qu'à deux, tout se perdra pas si bien. Quand tu verras, et ça passera comme ça, comme ça. Allez, ne fais pas la gueule, une chance ça va, ça vient. Allez, ne va pas dans le cercueil, tu vas sûrement vivre demain. Allez, ne fais pas la gueule, une chance ça va, ça vient. Allez, ne va pas dans le cercueil, tu vas sûrement vivre demain. Je ne veux pas être maso, mais au début ça fait mal. Ensuite ça passe sans problème, c'est écrit dans les annales. Je déconne, tu le sais bien, fais pas la tête. Quand je déconne c'est pour ton bien, tu sais c'est la fête. Tu te sens si con mon vieux dans ton coin. Crois-moi qu'à deux, tout se perdra pas si bien. Quand tu verras, et ça passera comme ça, comme ça. Allez mais fais pas la gueule, une chance ça va, ça vient. Allez, ne va pas dans le cercueil, tu vas sûrement vivre demain. Allez, mais fais pas la gueule, une chance ça va, ça vient. Allez, ne va pas dans le cercueil, tu vas sûrement vivre demain. Gueule. Une chance, ça va, ça vient. Ouais, ça va, comme ça. Allez, mais fais pas la gueule, une chance, ça va, ça vient. Allez, ne va pas dans le cercueil, tu vas sûrement vivre demain. Allez, mais fais pas la gueule, une chance, ça va, ça vient. Allez, ne va pas dans le cercueil, tu vas sûrement vivre demain.